Bismillahirrahmanirrahim. Donc après cette coupure, cette interruption qui a lieu durant ce mois de Ramadan, on nous Allah et taqabbal minna wa minkum salih al-a'mal wa yaghfir lana wa taqaddam min dhunubina. Nous allons inchallah poursuivre dans cette série de cours quotidiennes qui était tirée du livre de Kenz al-Atfal avec les adilla, avec les dalil, les preuves. Nous étions toujours dans le livre du Tawhid de l'Aqida et nous étions dans les choses qui touchent au jour dernier il s'agit là de la 52e leçon donc il dit dans la Fisouel et Tassi'achar au Salafmiya dans la 310e question. Maya al-Shafa'a al-Uzma. Maya al-Shafa'a al-Uzma. Quelle est l'intercession majeure? Quelle est la plusieurs formes d'intercession et la part de la majeure? Faqala, Iya al-Shafa'atu li'al al-Mawqif jami'an fi bid' al-Hisab. C'est l'intercession pour tous les gens qui seront dans l'attente que leur foi a rendu leur compte. Lorsque tous les hommes, les gens seront rassemblés après la mort afin de rendre leur compte et par la suite rentrer au paradis ou rentrer au feu. Faqala fi su'al al-'ishrin ba'd thalathmiya 321e question ou 320e question. Man huwa sahib al-shafa'a al-'uzma. Donc il dit qui est celui à qui a été ou qui est celui qui a été gratifié de pouvoir faire cette intercession majeure. A savoir que cette intercession n'a lieu que pour certaines personnes. Elle n'a lieu, comme cela va venir, que pour le croyant mouahid qui a unifié Allah dans l'adoration et dans la seigneurie, dans ses noms attributs. C'est-à-dire que le mushrik, le kafir n'y ont pas droit. Et il faut que l'intercesseur également soit un croyant. Et il faut que cela ait lieu après que Allah l'ait permis. من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا من ارتضى. Tous ces adilas qui montrent que cela n'a lieu qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a cette intercession majeure, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est parmi ses particularités. Et l'auteur cite le grand long hadith d'Abu Huraira qui cite cette intercession, qui est le dalil de cette intercession. فقال عن أبي هريرة حديث متفق عليه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باللحم فرفع لي الذراع فكانت تعجبه فنهس منها نحسة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui il a été donné au prophète صلى الله عليه وسلم un bout de viande un jour يعني qui était l'épaule ou la patte d'une brebis et c'était une partie qu'il aimait beaucoup puis il en prit une partie de cette viande. Puis il dit « Ana sayyid al-nas yawm al-qiyama wa hal tadruna bima dhaka ?» Il dit « Je suis le maître des hommes le jour de la résurrection. » Et vous savez-vous comment cela ?« Yaqul yajma'u Allah yawm al-qiyamati al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin » Que Allah rassemblera le jour de la résurrection tous les gens, des premiers aux derniers, sur un même emplacement large. « Fayusmi'uhum al-da'i wa yanfuzuhum al-basar wa tadnu al-shams » فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنِ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُتِيقُونَ وَلَا مَا أَوْ مَا لَا يَحْتَمِلُونَ. Donc les gens seront rassemblés, ils seront cernés par tous les regards et par les appels, selon l'interprétation du hadith. Il y a d'autres explications qu'on peut donner par rapport à ça. C'est-à-dire de sorte que tout le monde se voit et tout le monde s'entend. Et que le soleil se rapprochera d'eux. Le soleil sera au-dessus des têtes des gens. Et ils seront atteints par tant d'inquiétude et d'effroi qu'ils ne sauront le supporter. Donc ils se diront les uns aux autres. Ala taron ma antum fihi, ne voyez-vous pas ce que vous subissez? Ala taron ma kod balarakum, ne voyez-vous pas ce qui vous a déjà atteint comme mal? Ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Donc voyez donc qui pourra intercéder pour vous auprès de votre Seigneur. Les gens sont pris d'effroi et de panique de cette situation qui est insurmontable, donc de là ils cherchent un intercesseur pour eux. فيقول بعض الناس بعض أوتوا آدم Donc certains vont dire, disent, allez voir Adam. Donc ils pensent en premier lieu pour avoir une intercession d'aller voir les prophètes et les messagers. Donc ils disent, allez voir Adam en premier lieu. Fayatun Adam, fayakulun ya Adam, anta abul bashar. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك. Donc ils disent, oh Adam, je suis le père des humains, Allah t'a créé de sa main. Donc là c'est encore une preuve qu'Allah il a une main, il est belle, il en a deux. Il a insufflé en toi le souffle de vie et il a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. C'est-à-dire ils citent tous ses mérites pour dire qu'il n'est pas n'importe qui, bien évidemment. Ils disent, intercède pour nous de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons ? فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. Donc il dira à Adam, pour s'excuser, il dira, mon Seigneur, certes, s'est mis en colère d'une colère sans précédent auparavant, et d'une colère qui n'aura pas de suivi, qui n'aura pas d'équivalent par la suite. Et qui m'a interdit de manger de l'arbre. Et je lui ai désobéi. Donc il dit, je pense à moi-même, trois fois. Ma propre personne en premier lieu. C'est-à-dire dans le sens que je ne peux rien faire pour vous, alors que moi-même, je suis dans le besoin, que mon Seigneur me pardonne. Donc ils disent, allez voir autre que moi, allez voir Nour. فَيَتُونَ نُوحًا فَيَكُولُ نِيَا نُوحًا أَنْتَ أَوَّلَ الرُّسُلِ إِلَى أَلِ الْأَرْضِ وَسَمَّكَ اللَّهُ عَبَدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا تَقَبَّلَ غَنَا. Donc ils vont voir Nour. Ils lui disent, oh Nour, tu es le premier des messagers au jour de la terre. Donc ça c'est une preuve que Nour est le premier des messagers. Et que Allah t'a nommé comme étant un serviteur reconnaissant. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons? Ne vois-tu pas ce qui nous a atteint? Donc il dit à Nour, إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا لإبراهيم. Donc dira mon Seigneur dans une colère sans précédent et qui n'aura pas d'équivalent par la suite, et que j'avais une invocation et je l'ai utilisée contre mon peuple, c'est-à-dire j'ai invoqué contre mon peuple, c'est-à-dire quand les gens de la terre ont été détruits. Donc lui voit pour cela, pour lui, comme étant une faute. Il dit qu'il pense en lui-même, moi-même d'abord en premier lieu. Allez voir autre que moi, allez voir Ibrahim. Fayatun Ibrahim fayakulun anta nabiyullah wa khaliluhu min al ard. Ishfa' lana ila rabbika. Ala tara ma nahnu fihi? Ala tara ila ma taqabbalana? Donc ils vont voir Ibrahim, ils vont dire, Ibrahim, tu es le khalil d'Allah parmi les gens de la terre, c'est-à-dire l'être le plus rapproché, le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Khalil là-bas, c'est la chose la plus aimée. Quoi qu'il en soit, Ibrahim a été nommé comme étant Khalilullah. Donc ils disent, tu es le Khalil d'Allah Azzawajal parmi les anges sur terre. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons? Ne vois-tu pas ce qui nous a atteint? Fayaqul lahum Ibrahim, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlahu wa dhakara kadhibatihi nafsi nafsi nafsi. Il dit comme, certes, mon Seigneur s'est mis d'une colère aujourd'hui sans précédent et qui n'aura pas d'équivalent par la suite. D'accord ? Il dit que j'ai commis trois mensonges. Je pense à moi-même en premier lieu. Nefsi, nefsi, nefsi. Allez voir, autre que moi, allez voir Moussa. Et là, il s'est justifié par ces trois mensonges qui en réalité n'étaient pas des mensonges, mais ce qu'on appelle une tawriya. C'est-à-dire une chose qui laisse croire à la personne qui t'entend ce qu'il veut entendre et qui en réalité, toi, tu vises autre chose par cela. Par exemple, parmi ce qu'il a appelé lui-même comme étant un des mensonges, lorsque il fut interrogé à propos de sa femme qui était Sahara par ce roi qui était un roi malfaisant, Ibrahim avait eu peur pour lui. Donc il a dit à sa femme, si jamais tu es interrogé à mon sujet, dis que tu es ma sœur. C'est-à-dire ma sœur en religion. Donc c'est une réalité. Mais celui qui l'interroge va croire qu'elle est sa sœur fraternelle, sa sœur de sang. Le deuxième, considéré comme étant un mensonge qui n'en est pas un, lorsqu'il a dit, lorsqu'il cassa les idoles de son peuple, et il dit, qui a fait cela? Il dit, le grand parmi eux, allez l'interroger, cette grande statue qu'il avait laissée indemne, en guise d'argument contre eux, pour leur dire, regardez, ces idoles que vous adorez, ces idoles que vous adorez, n'ont pas pu se défendre elles-mêmes. Donc comment pouvez-vous les adorer? Non. Et le troisième, c'est lorsqu'il Allah Azzawajal cite dans son livre فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, lorsqu'il est en débat avec son peuple, il regarde dans les étoiles et il dit je suis certes malade. D'accord, je suis certes malade. Et en réalité, qu'est-ce que veut dire par la malade, du fait qu'il était atteint d'un mal à cause de cette adoration fausse que vouait son peuple et son père à ces fausses divinités. Donc en réalité, ce ne sont pas des mensonges purs, comme on le comprend, ça s'appelle une théoria en arabe, une théoria. Quoi qu'il en soit, lui, Ibrahim, voit cela comme étant une faute et se voit comme étant le plus en droit d'avoir le pardon de son Seigneur. Après, il dit, donc allez voir autre que moi, allez voir Moussa. فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. Donc ils vont voir Moussa, ils vont dire يا موسى Allah t'a préféré à ces créatures en te parlant et en t'accordant son message, bien que Allah Azza wa Jalla parle à d'autres messagers, mais Moussa alayhi salam était reconnu parmi, comme étant les principaux par rapport à cela. Donc ils lui disent intercède pour nous, pour notre Seigneur. Moussa dira Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadbanan lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi idhhabu ila Isa. Donc il dira c'est mon Seigneur s'est mis en colère d'une colère sans précédent, il sans équivalent par la suite, et j'ai tué une personne qui ne m'a pas été ordonné de tuer. Il parle à ce moment-là du copte qu'il a tué involontairement pour défendre l'Israélite qui est en conflit avec lui. Il a porté un coup de poing pour le défendre et l'a tué sur le champ. Mais il ne voulait pas faire cela. Il lui voit cela comme étant une faute. Donc de là, il s'excuse auprès des gens. Il les envoie vers Isa. فَيَتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا. Donc ils envoient Isa عليه السلام. Ils disent oh tu Isa, tu es le message d'Allah, et que tu as parlé aux enfants alors que tu as parlé aux gens alors que tu étais encore un bébé. Et tu es une parole d'Allah et un souffle de lui, qu'il a envoyé à Maryam. Donc intercède pour nous près de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons, ne vois-tu pas ce qui nous a atteint? فَيَقُولْ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أَيْ ذَنْبٍ نَفْسِي اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ. Donc il dira Isa comme les autres que son Seigneur s'est mis d'une colère sans précédent et qu'il n'aura pas d'équivalent par la suite. Pourtant, il ne cita aucune faute de sa part. Et ça, aucun péché, aucune faute de sa part. Et il dit aux gens, allez voir autre que moi, allez voir Mohammed. Car cette intercession n'est pas pour Isa non plus. Donc ils vont voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui disent, كذلك, Ya Mohammed, anta rasulullah, wa khatama anbiya. وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. Donc ils vont voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disent oh Mohammed, tu es le messager d'Allah et le dernier des prophètes, et que Allah t'a pardonné tes fautes passées et celles qui viendront par la suite. Pardonne ou demande à notre Seigneur, intercède pour nous pour ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce que nous subissons, ne vois-tu pas ce qui nous a atteint? Donc l'Abi sallallahu alayhi wa sallam dira فانطلق فآتي تحت العرش فأقر ساجدني ربي ثم يفتح الله علي ويلهمني بمحامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على لأحد قبلي. Donc il dira صلى الله عليه وسلم que je vais me diriger vers le trône de mon Seigneur et je tomberai prosterné pour mon Seigneur. Ensuite Allah m'accordera et me révélera des éloges pour lui et des louanges pour lui qui n'a jamais révélé à quiconque avant moi. C'est-à-dire des nouvelles invocations avec des éloges pour Allah Azza wa Jalla que personne n'a jamais prononcé auparavant avant lui. Puis, Yaqul, Thumma yuqal, Ya Muhammad, irfa ra'sak, sel tu uqta, ishfa tu shafa', fa'arfa'u ra'si, fa'aqul, Ya Rabbi ummati ummati. Donc il me sera dit, ô Muhammad, lève ta tête, demande et tu seras accordé, intercède, il sera accepté de toi. Donc il dit donc je lèverai ma tête et je dirai oh mon Seigneur, j'intercède pour ma communauté. J'intercède pour ma communauté. Fayuqalu ya Muhammad adkhil al-jannata min ummatik man la hisab alayhi min al-bab al-ayman min abwab al-jannah. Donc il sera dit oh Muhammad, rentre au paradis ta communauté parmi ceux qui n'auront aucun compte à rendre parmi la porte droite des portes du paradis. وَهُمُشُرَكَ النَّاسِ فِي مَا سَوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. Et ils auront droit également de rentrer par toutes les autres portes, comme les autres personnes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de compte à rendre pour rentrer par les portes qu'ils veulent. C'est ça que cela veut dire. Mais ils ont des portes qui leur sont propres à eux, que seuls eux pourront rentrer. La porte de la droite du paradis. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده إن ما بين مصارع عين المصارع الجنة لكن ما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرة. Et ils disent, mon prophète صلى الله عليه وسلم, et je jure par celui dont mon âme est dans sa main, qu'il y a entre les deux portes du paradis une distance équivalente entre Mecca et Hajar, c'est-à-dire c'est une distance qui existe à Al-Medina, ou entre Mecca et Bosra. Bosra, c'est un lieu qui se trouve Al-Basra, enfin, Bosra, c'est un lieu qui se trouve en Irak, approximativement. Donc pour dire que entre deux portes du paradis, il se trouve une distance immense pour que les gens puissent rentrer. Donc là, ce hadith est une preuve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aura cette intercession, qui est une intercession majeure, de minimiser les affections des gens lors de l'attente et de faire rentrer sa communauté au paradis en premier. Wa fi suwal al-21 al-3300 321e question. Man as'ada an-nas bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui seront les plus heureux des gens de cette intercession? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Celui qui aura dit la ilaha illallah en étant sincère dans son cœur. Donc le muwahhid, celui qui aura adoré Allah azza wa jalla sans rien lui associer. Et la preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu. Qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as'ada an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsihi. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que le plus heureux de l'attestation le jour de la résurrection, celui qui aura dit la ilaha illallah en étant sincère dans son cœur, dans sa personne. Et le hadith est mutafakun alayhi. Naam. Fabiat al-Qadna Ktafi, walhamdulillah bil alamin.